Chapitre 17. Je m'attendais tellement à ce que le retour des hôtes s'accompagnât d'une demande d'explication que je ressentis un trouble nouveau en ne rencontrant chez eux que discrétion et mutisme au sujet de mon absence. Au lieu de m'accabler gaiement et de me câliner, ils ne firent aucune allusion à ma désertion, et pour le moment je n'eus plus, m'apercevant aussi ne disait rien, qu'à me livrer à l'étude du visage de Mrs. Groves. Le résultat de cette étude m'apporta la conviction que, d'une façon ou d'une autre, il l'avait persuadé de garder le silence, silence que j'étais bien décidé à rompre dès notre premier entretien privé. Cette occasion se présenta avant l'heure du thé. Je m'arrangeai pour la saisir 5 minutes dans la pièce qui lui était réservée, où dans le crépuscule et l'odeur du pain chaud, mais tout bien en ordre autour d'elle, je la trouvai assise devant le feu, paisible quoique mélancolique. Et c'est ainsi que je la vois le mieux, assise toute droite sur sa chaise, regardant la flamme qui éclaire la pièce à demi obscure et bien cirée, une bonne grosse image bien propre de choses rangées, d'armoires fermées à clé, de repos inéluctables et obligatoires. Oui, ils m'ont demandé de ne rien dire, et pour leur faire plaisir, au moment où ils étaient là, naturellement, j'ai promis. Mais que vous est-il arrivé ? « Je ne pouvais faire avec vous que la promenade, dis-je. Il me fallait revenir pour recevoir une amie. » Elle s'étonna. « Une amie, vous ? Mais oui, j'en ai une paire. » Et je me mis à rire. « Mais les enfants vous ont-ils donné une raison ? Pour ne pas faire d'allusion à votre absence ? Oui, ils m'ont dit que vous le préfériez. Le préférez-vous ? » L'expression de mon visage l'avait soudainement inquiété. « Non, je le regrette. » J'ajoutai un moment après. « Vous ont-ils dit pourquoi je préférais ?»« Non, Mr. Miles dit seulement, il ne faut faire que ce qui lui plaît. » Je voudrais vraiment qu'il se conformât à ce conseil. « Et Flora, que dit-elle ?»« Miss Flora, elle est trop gentille. Elle dit seulement, bien sûr, et moi aussi. » Je réfléchis un instant. « Vous aussi, vous avez été trop gentille. Je crois vous entendre tous les trois. Enfin, tout est dit maintenant entre Miles et moi. » « Tout ? » Quel ébahissement chez ma compagne. « Tout, mais peu importe, je sais ce que j'ai à faire. Ma chère, continuai-je, je suis rentrée à la maison pour causer avec Miss Chessel. » J'avais pris l'habitude de ne pas introduire ce nom dans la conversation sans avoir d'abord Mrs. Groves bien en main, de sorte que, maintenant, elle cligna bravement les yeux au signal terrifiant donné par mes paroles, mais je pus la maintenir dans un état relativement calme. « Causer ? Vous voulez dire qu'elle a parlé ?»« Cela revient au même. À mon retour, je l'ai trouvée dans la salle d'études. »« Et qu'a-t-elle dit ?» J'entends encore la brave femme, l'accent de sa stupeur candide. « Qu'elle souffre les tourments. » À ce trait, elle reconstitua tout le tableau et blêmit. « Voulez-vous dire, murmura-t-elle, les tourments des âmes perdues ?» Des âmes perdues, damnées, et c'est pour les lui faire partager, oui, c'est pour cela. À mon tour, d'horreur, la voix me manqua. Ma compagne, douée de moins d'imagination, me soutint. Pour les lui faire partager ? Qu'elle veut, Flora ? À ces mots, Mrs. Groves m'aurait échappé si je ne m'y fusse attendue, mais je la maintins sur place, lui prouvant ma prémission. Ainsi que je vous l'ai dit, cela importe peu. « Parce que vous avez pris votre parti ? Lequel ? Je suis prête à tout. Qu'appelez-vous tout ? Mais faire venir ici leur oncle ? Oh, mademoiselle, faites-le par pitié !» s'exclama mon ami. « Je le ferai, oui, je le ferai. C'est mon unique branche de salut. Je vous ai déclaré tout à l'heure, tout est dit entre Miles et moi. Eh bien, après la conversation que nous avons eue tous deux, si Miles croit que j'ai peur de faire venir son oncle, et s'il se fait des idées sur ce qu'il gagne à cela, il verra qu'il se trompe. Oui, oui, son oncle entendra de ma bouche, ici même, devant le petit, si c'est nécessaire, que s'il y a un reproche à m'adresser pour ne m'être pas préoccupé de cette question d'une nouvelle école... Oui, mademoiselle, et alors ? Insista ma compagne. Eh bien, c'est à cause de cette horrible raison. Il y en avait tant maintenant de ces horribles raisons que ma compagne était excusable de demeurer dans le vague. « Mais laquelle ? Eh bien, cette lettre de son ancien collège. Vous la montrerez à monsieur ? J'aurais dû le faire sur le champ. Oh non, dit Mrs. Groves avec décision. Je lui exposerai, continuai-je, inexorable, qu'il m'est impossible de m'occuper de cette question quand il s'agit d'un enfant renvoyé. Pour des motifs dont nous ne doutons pas, déclara Mrs. Groves. Pour mauvaise conduite, car autrement, pour quel motif? Puisqu'il est tellement remarquable, ravissant et parfait. Est-il stupide? A-t-il de mauvaises manières? Est-il infirme? A-t-il mauvais caractère? Il est délicieux, donc ce ne peut être que cela. Et cela éclaircit tout. Après tout, c'est la faute de leur oncle, s'il jugeait bon de laisser ici de tels gens. À la vérité, il ne les connaissait pas le moins du monde. La faute est la mienne. Elle était devenue très pâle. Vous n'aurez pas à en souffrir, répondis-je. Et les enfants non plus, répliqua-t-elle solennellement. Je gardai le silence. Nous nous regardâmes. Je repris. Alors que faut-il lui dire? Vous n'aurez besoin de rien lui dire. Ce sera moi qui parlerai. Je pesai à part moi la valeur de cette réponse. Vous voulez dire que vous lui écrirez? Puis, me rappelant son ignorance, je rattrapai ma phrase. Comment communiquez-vous? Je m'adresse au régisseur et il écrit. Aimeriez-vous beaucoup lui faire écrire notre histoire? Il y avait dans ma question plus de sarcasme que je n'avais voulu en mettre. Le moment d'après, elle éclatait en sanglots inconséquents. Ses yeux étaient encore pleins de larmes lorsqu'elle me dit « Oh, mademoiselle, écrivez, vous !»« Eh bien, ce soir, » répondis-je enfin. Là-dessus, nous nous séparâmes. Chapitre 18. Dans la soirée, j'osais commencer ma lettre. Le temps avait tourné, un grand vent soufflait, et sous la lampe, dans ma chambre, Flora, paisiblement endormie près de moi, je restai longtemps assise devant ma page blanche, écoutant le clapotis de la pluie et les gémissements du vent. Finalement, je sortis un bougeoir à la main. Je traversai le corridor et écoutai une minute à la porte de Miles. Ce que mon incessante observation me poussait à chercher d'entendre était un signe quelconque qui me prouva qu'il était encore éveillé, et tout à coup, il en survint un, mais nullement sous la forme que j'attendais. Sa voix argentine chantait. « Dites donc, vous là-bas, entrez, s'il vous plaît. » Quelle gaieté en plein drame! J'entrai avec ma lumière et le trouvai au lit, complètement éveillé, néanmoins parfaitement à son aise. « Eh bien, qu'est-ce qui vous arrive ? » me demanda-t-il avec cette grâce familière qui me fit soudainement penser que Mrs. Groves aurait peine à voir là une preuve que tout eût été dit entre nous. J'étais debout devant lui, ma bougie à la main. « Comment avez-vous su que j'étais là ? » ?»« Mais je vous ai entendu, naturellement. Vous figurez-vous que vous ne faites pas de bruit ? » ?»« C'était comme un escadron qui passait. » Et il se mit à rire, si délicieusement. « Alors vous ne dormiez pas ?»« Guère, je reste éveillée et je pense. » J'avais posé exprès mon bougeoir un peu plus loin, puis comme il me tendait la main, si pauvre petite patte chérie, je m'assis sur le bord du lit. « À quoi, lui dis-je, pensez-vous ? » Et à qui? Au monde, ma chère, si ce n'est à vous. Mais la fierté que me cause votre appréciation ne demande pas cela du tout. J'aimerais tellement mieux vous savoir endormie. Eh bien, je pense aussi, vous savez, à notre drôle d'affaire. Je remarquai la fraîcheur de sa petite main énergique. À quelle drôle d'affaire, Miles? Mais la façon dont vous m'élevez, et tout le reste. Le souffle faillit me manquer. Et cependant, la tremblotante lueur de la bougie me le montrait souriant au creux de son oreiller. « Que voulez-vous dire par tout le reste ? » ?»« Oh, vous savez, vous savez !» Pendant une minute, je ne pus rien dire, bien que je sentisse, tandis que je tenais sa main et que nos yeux se rencontraient, que mon silence venait d'admettre la vérité de ce qu'il venait de dire, et que rien au monde, dans le monde des réalités, n'était peut-être à cette heure si fabuleux que nos relations actuelles. « Mais certainement vous retournerez au collège, dis-je, si c'est cela qui vous tourmente, mais pas à l'ancien. Il faudra en trouver un autre, un meilleur. Comment pouvais-je deviner qu'elle vous tourmentait, cette question, puisque jamais vous ne me l'avez dit, vous ne m'en avez jamais parlé ?» Son clair visage attentif, encadré de blancheur immaculée, le rendait à ce moment aussi pitoyable qu'un pensif petit malade d'hôpital d'enfants. Et quand cette similitude me vint à l'esprit, Je pensais que je ne donnerais volontiers tout ce que je possédais au monde pour être, pour de bon, l'infirmière ou la sœur de charité qui aiderait à le guérir. Allons, peut-être arriverai-je tout de même à quelque chose. Savez-vous bien que vous n'avez jamais dit un mot de votre école? J'entends l'ancienne, que jamais, à aucun propos, vous ne m'en avez parlé. Il sembla s'en étonner rêveusement et continua de garder son charmant sourire. Évidemment, il voulait gagner du temps. Il attendait, il espérait d'être guidé, entraîné. N'en ai-je jamais parlé, vraiment? Non, ce n'était pas à moi de l'aider maintenant, c'était à l'autre. Quelque chose dans son ton et l'expression de son visage, tandis que je l'écoutais, m'avait percé le cœur d'une souffrance nouvelle. Indiciblement touchant était le spectacle de son petit cerveau tourmenté et la mise en œuvre de tous ses petits moyens pour jouer, sous la contrainte de l'envoûtement qui pesait sur lui, un rôle d'innocence et de logique. Mais non, jamais. À partir du moment où vous êtes arrivé, jamais vous n'avez prononcé le nom d'un maître, d'un camarade, jamais raconté la moindre chose qui vous serait arrivée au collège. Jamais, mon petit Miles, non, jamais vous ne m'avez donné la moindre indication sur rien de ce qui a pu vous y arriver. Vous pouvez donc vous imaginer mon ignorance à ce sujet. Avant votre confidence de ce matin, je ne vous ai jamais entendu faire la moindre allusion à aucun événement de votre existence précédant votre arrivée ici. Vous sembliez accepter si parfaitement le temps présent. C'était extraordinaire comme ma conviction absolue de sa secrète précocité le rendait, à mes yeux, aussi apte qu'une grande personne à me comprendre, bien qu'une ombre légère, répandue sur son village, révéla son trouble intérieur. Cette secrète précocité, ou quoi que ce fût que j'appelais de ce nom et qui n'était, à proprement parler, que son empoisonnement par une influence que je n'osais nommer qu'à demi, m'obligeait à le traiter comme un égal, et un égal intelligent. « Je pensais que vous préfériez que les choses en restent à cela, » continuai-je. Il me semblait le voir rougir très légèrement. En tout cas, ainsi qu'un convalescent fatigué, il secoua languissamment la tête. « mais non, j'ai envie de m'en aller. »« Vous en avez assez de Bly. »« Oh non, j'aime Bly. »« Alors ?»« Oh, vous savez bien ce qu'il faut d'un garçon. » Je sentis que je ne le savais pas si bien que Miles et me réfugiai provisoirement à l'abri de cette question. « Vous désirez aller chez votre oncle ?» À ces mots, il remua de nouveau sa tête sur l'oreiller, son doux visage toujours ironique. « Ah, vous ne vous en tirerez pas comme ça !» Je gardai le silence, et ce fut alors moi, je crois, qui changeai de couleur. « Mon chéri, je n'ai pas envie de m'en tirer !» Vous ne le pouvez pas, même si vous en avez envie. Vous ne le pouvez pas, vous ne le pouvez pas. Ah, ces grands yeux rêveurs dans ce petit corps allongé. Il faut que mon oncle vienne et que vous régliez tout avec lui. Si nous faisons cela, répliquai-je avec une certaine audace, soyez sûr qu'on vous éloignera tout à fait d'ici. Eh bien, ne comprenez-vous pas que c'est à quoi je travaille, exactement? Vous serez obligé de lui dire la façon dont vous avez tout lâché. Vous en aurez à lui dire. » Son accent de triomphe, en prononçant ces paroles, était tel qu'il me poussa à lui en faire dire davantage. « Et vous, Miles, combien n'en aurez-vous pas à lui raconter? Il aura certaines choses à vous demander. » Ceci le fit réfléchir. « Bien probablement, mais quelles choses ?» Les choses que vous ne m'avez jamais dites, afin qu'il sache ce qu'il devra faire de vous. Il ne peut pas vous renvoyer là où... Je n'ai pas envie d'y retourner, interrompit-il. Je veux voir du nouveau. Il parlait avec une sérénité parfaite, avec une gaieté sincère et inattaquable. Et cela, pour moi, évoqua de la façon la plus poignante la tragédie enfantine hors nature que serait son retour probable à la maison après 3 mois d'absence, y rapportant toute sa bravade et encore plus de déshonneur. Débordé, accablé, je sentais maintenant que je ne pourrais pas le supporter, et je ne pus me contenir. Je me jetai sur lui, et avec toute la tendresse d'une immense pitié, je l'enlaçai. « mon cher petit Miles !» Mon visage touchait le sien, et il me laissait l'embrasser, prenant la chose tout simplement, avec une bonne humeur indulgente. « Et alors, ma vieille ?» « N'y a-t-il rien au monde, rien que vous n'ayez envie de me dire ?» Il se détourna un peu vers le mur, élevant sa main pour la regarder, comme l'on voit faire aux enfants malades. « je vous l'ai dit ce matin. Comme je souffrais pour lui. Que tout ce que vous désirez, c'est que je ne me tracasse pas. » Il me regarda comme quelqu'un qui se voit enfin compris, puis le plus doucement du monde, « que vous me laissiez tranquille, » dit-il. Il imitait jusqu'à une étrange petite dignité, quelque chose qui me contraignit à me lever, et cependant, lorsque je fus debout, me retint encore près de lui. Dieu sait que je ne voulais pas le persécuter, mais je sentais que lui tourner le dos, après sa petite phrase, c'était l'abandonner, ou plus exactement, le perdre. « Je viens de commencer une lettre à votre oncle, » dis-je. « Eh bien, finissez-la maintenant. » J'attendis une minute. « Qu'était-il arrivé avant ?» Il leva les yeux sur moi. « Avant quoi ?»« Avant votre retour ici, et avant votre départ aussi. » Il garda quelque temps le silence, mais ne me quitta pas des yeux. « Ce qui est arrivé ?» Elle m'émut à un tel point l'intonation de ces mots où il me sembla pour la première fois reconnaître la faible, la mince palpitation d'une conscience reconnaissante. Elle m'émut à un tel point que je tombai à genoux près de lui, jouant ma dernière chance de le reprendre jamais. « cher petit Miles, si vous saviez combien je désire vous aider, mais cela seulement, et j'aimerais mieux mourir que vous faire de la peine, ou un tort, j'aimerais mieux mourir que toucher un cheveu de votre tête sans votre aveu. Cher petit Miles, oui, je m'avançais jusque-là, dussent les bornes être dépassées. Ce que je veux, c'est que vous m'aidiez à vous sauver. » Mais l'instant d'après, je savais que j'avais été trop loin. Je reçus instantanément une réponse à mon appel, mais elle vint sous la forme d'un souffle formidable, d'une bouffée d'air glacé et d'une secousse de toute la chambre, comme si, cédant au vent sauvage, la fenêtre s'y fût abattue. Le petit jeta un grand cri aigu qui, perdu dans ce fracas, pouvait passer indistinctement, quoique je fusse bien près de lui, pour une exclamation soit de jubilation, soit de terreur. Je sautai sur mes pieds et me trouvai dans l'obscurité. Nous demeurâmes ainsi un moment, tandis que je jetais les yeux tout égarés autour de moi. Je vis alors que les rideaux tirés étaient immobiles et la fenêtre fermée. « Mais la bougie est éteinte !» m'écriai-je. « C'est moi qui l'ai soufflée, ma chère, » dit Miles. Chapitre 19. Le lendemain, nos leçons terminées, Mrs. Gross trouva un moment pour venir me demander doucement. « Avez-vous écrit, mademoiselle ?»« Oui, j'ai écrit. » Mais je n'ajoutais pas pour le moment que ma lettre adressée et cachetée était encore dans ma poche. J'avais du temps devant moi avant que le messager vînt prendre le courrier. Du reste, jamais mes élèves n'avaient montré plus de sagesse, plus de zèle que ce matin-là. C'était comme si tous deux avaient à cœur d'effacer la trace d'une querelle récente. Ils accomplissaient des tours de force d'arithmétique, planant bien au-dessus de mon humble sphère et perpétraient, d'humeur plus joyeuse que jamais, leur farce historique et géographique. Bien entendu, c'était particulièrement Miles qui semblait vouloir me montrer combien il pouvait facilement me dépasser. Dans mes souvenirs, cet enfant vit vraiment dans une atmosphère de beauté et de détresse qu'aucune parole ne saurait traduire. Une distinction qui n'appartenait qu'à lui se révélait à chacune de ses initiatives. Jamais petite créature humaine, paraissant toute franchise et liberté aux yeux mal informés, ne fut au fond un plus extraordinaire et plus ingénieux homme du monde. Il me fallait perpétuellement me tenir en garde contre l'émerveillement de le contempler ou m'entraîner ma vision initiée. Il me fallait suspendre le regard distrait et le soupir découragé avec lesquels, constamment et successivement, j'attaquais et j'abandonnais l'énigme de savoir ce qu'avait bien pu faire un gentilhomme aussi accompli pour mériter une telle punition. Je pouvais bien me dire que par la vertu du sombre prodige dont je possédais le secret, l'imagination du mal tout entier lui avait été révélée. La justice néanmoins souffrait, au-dedans de moi, de n'avoir pas la preuve qu'un acte positif n'eût pas été commis. En tout cas, jamais ne s'était-il montré aussi gentilhomme que le soir affreux où, après notre dîner tôt fini, il s'approcha de moi et me demanda si j'aimerais qu'il me fît un peu de musique. David, jouant de la harpe pour Saul, n'avait pas montré un sens plus juste de l'occasion. C'était réellement une manifestation charmante de tact, de magnanimité, une équivalence exacte du discours qu'il aurait pu tenir. Les vrais chevaliers dont nous aimons à lire l'histoire ne poussent jamais trop loin leur avantage. Je sais ce que vous voulez dire. Vous voulez dire que, pour votre propre paix et pour ne pas être tracassé, vous cesserez de me tourmenter et de m'espionner. Vous ne me garderez plus toujours près de vous et vous me laisserez aller et venir. Aussi je viens, comme vous voyez, mais je ne m'en vais pas. Il viendra un temps pour cela. Je prends vraiment le plus grand plaisir à votre société et je voulais seulement vous montrer que je luttais pour le principe. On peut imaginer si je résistais à cet appel, si je manquais de l'accompagner, sa main dans la mienne, à la salle d'études. Il s'assit au vieux piano et joua comme jamais il n'avait joué. Si quelques personnes pensent qu'il aurait mieux valu qu'il allât lancer de bons coups de pied au ballon de football, je ne puis dire qu'une chose, c'est que je suis entièrement de leur avis. Car au bout d'un certain temps, dont je ne puis évaluer la durée, ayant sous sa subtile influence perdu toute notion de mesure, je me secouai tout à coup avec l'étrange sensation de m'être littéralement endormi à mon poste. Ceci se passait après le dîner de midi, auprès du feu de la salle d'études, et cependant, je n'avais nullement dormi, au vrai sens du mot. J'avais seulement fait pire, je m'étais oublié. Où était Flora pendant tout ce temps? Lorsque je posai la question à Miles, il continua de jouer pendant une minute avant de me répondre, puis ne put que me dire « Mais ma chère, comment le saurais-je » s'abandonnant ensuite à un rire tout heureux qu'immédiatement après il prolongeait en une chanson fantaisiste et incohérente. J'allai droit à ma chambre. Sa sœur n'y était pas. Avant de descendre, j'allai voir dans plusieurs autres. Puisqu'elle n'était pas là, elle devait être avec Mrs. Groves, à la recherche de laquelle je me mis. Je la trouvai à la même place que la veille, mais elle ne présenta à mon enquête qu'une ignorance totale et stupéfaite. Elle supposait que j'avais emmené les deux enfants après le repas, et en cela elle avait absolument raison, car c'était bien la première fois que je permettais à la petite fille de s'éloigner de ma vue sans une raison particulière. Elle pouvait avoir été retrouver les femmes de chambre. La première chose à faire, donc, était de se mettre à sa recherche sans paraître inquiète. Ceci fut rapidement convenu entre nous. Mais quand 10 minutes plus tard, selon ce que nous nous étions promis, nous nous retrouvâmes dans le hall, nous ne pûmes que nous rapporter l'un à l'autre que nous n'avions trouvé aucune trace d'elle. Là, pendant 1 minute, et hors de toute observation, nous confrontâmes silencieusement nos muettes alarmes, et mon ami me rendit alors, avec un intérêt considérable, la somme d'inquiétude dont la première je l'avais comblée. « Elle doit être là-haut, dit-elle, au bout d'un certain temps, dans une chambre où vous n'avez pas regardé. »« Non, elle est loin. » Maintenant j'avais compris. « Elle est sortie. » Mrs. Groves n'en revenait pas. « Sans son chapeau ?» Le regard que je lui jetais était plein de sous-entendus. « Cette femme n'est-elle pas toujours tête nue ?»« Elle est avec elle ?»« Elle est avec elle, déclarai-je. Il faut que nous les trouvions. » Je lui avais pris le bras, mais devant cet aspect de la question, elle négligea de répondre à ma pression. Mais au contraire, debout et immobile, son malaise la possédait tout entière. « Et où est Mr. Miles ?»« Oh, lui, il est avec Kint, dans la salle d'études probablement. »« Bon Dieu, mademoiselle !» Je me rendais compte que j'avais encore ma vision, et par conséquent, je suppose, ma voix n'avait atteint un tel degré d'assurance. « La farce a été bien jouée, continuai-je. Ils ont bien exécuté leur plan. Il a trouvé le plus divin petit moyen de me faire tenir tranquille pendant qu'elle se sauvait. »« Divin ?» répéta en écho Mrs. Groves abasourdie. « Infernal, si vous voulez, répliquai-je, presque gaiement. Il s'est sauvé aussi bien qu'elle. Mais venez !» Elle jeta un regard désespéré vers l'étage supérieur. « Vous le laissez ? Si longtemps avec Kint ? Oui, cela m'est égal maintenant. » Elle finissait toujours, à de pareils moments, par me prendre la main, et de cette façon, elle put encore cette fois me retenir près d'elle. Muette d'étonnement devant ma subite résignation, ce ne fut qu'un moment plus tard qu'elle put, d'une voix ardente, me demander « Parce que vous lui avez écrit ?» Pour toute réponse, je tâtai rapidement ma poche, en tirai ma lettre, la lui montrai, Puis, me libérant de son étreinte, j'allai la déposer sur la grande table du hall. « Luc la prendra, » dis-je en revenant. J'allai à la porte d'entrée, je l'ouvris. J'avais déjà le pied sur la première marche. Ma compagne demeurait en arrière. L'orage de la nuit, les premières heures de la matinée étaient passées, mais l'après-midi était humide et sombre. J'avais atteint l'avenue, qu'elle était encore sur le seuil. « Vous sortez sans rien mettre sur vous ? » « Qu'est-ce que cela me fait, du moment que la petite n'a rien non plus ? Je ne peux pas perdre de temps à m'habiller, m'écriai-je. Et si vous voulez le faire, je vous laisse là. Vous pourrez vous occuper là-haut. »« Avec eux ?» Oh, là-dessus, la pauvre femme courut bien vite me rejoindre. Chapitre 20. Nous allâmes droit au lac, ainsi qu'on disait à Bligh, et à juste titre peut-être, bien qu'il se puisse que cette nappe d'eau fût, en somme, moins remarquable que mes yeux ignorants le supposaient. Je n'avais que peu d'expérience des nappes d'eau, et l'étang de Bligh, en tout cas, m'avait toujours frappé par son étendue et l'agitation de ses eaux à chacune des occasions où j'avais consenti, sous la protection de mes élèves, à y naviguer dans le vieux bateau à fond plat attaché à bord pour notre usage. L'endroit habituel où nous nous embarquions était un bon demi-mile de la maison, mais ma conviction intime me disait que Flora, quelle que fût la direction qu'elle avait prise, était certainement loin. Ce n'était pas pour une aventure de rien qu'elle avait pris la clé des champs, et depuis le jour où j'en avais couru un fort considérable avec elle près de l'étang, j'avais remarqué, pendant nos promenades, le côté où la portait son inclination. C'était la raison pour laquelle je dirigeais les pas de Mrs. Groves dans une direction aussi précise, direction à laquelle, quand elle s'en aperçut, elle opposa une résistance qui me prouva qu'une fois de plus, elle ne comprenait pas où je voulais en venir. « Vous allez vers l'étang, mademoiselle ? Vous croyez qu'elle est dedans ?»« Cela se pourrait bien que la profondeur, je crois, ne soit bien grande nulle part. Mais ce qui me paraît le plus vraisemblable, c'est qu'elle soit à l'endroit d'où, l'autre jour, nous avons vu ensemble ce que je vous ai raconté. Quand elle prétendit ne pas voir ? Avec quelle étonnante maîtrise d'elle-même ! J'ai toujours été convaincue qu'elle désirait y retourner seule, et son frère a arrangé les choses pour elle. Mrs. Bowles restait toujours là où elle s'était arrêtée. Vous croyez que vraiment, ils en parlent ? À ceci, je pouvais répondre avec assurance. Ils disent des choses qui, si nous pouvions les entendre, nous ferait frémir, tout simplement. Et si Flora est là? Oui? Alors, Miss Gessel y est? Sans aucun doute, vous verrez. Oh, merci beaucoup, s'écria mon amie tellement enracinée au sol que, renonçant à l'ébranler, je continuai ma route sans l'attendre. Mais lorsque j'atteignis l'étang, elle était là tout près de moi, et je compris que malgré l'appréhension qu'il a possédée du danger que je pouvais courir, le risque auquel elle s'exposait en s'attachant à mes pas lui semblait encore un moindre danger. Elle exhala un soupir de soulagement quand, à la fin, ayant embrassé du regard la plus grande partie de l'étang, nous n'aperçûmes nulle part l'enfant que nous cherchions. Aucune trace de Flora sur cette berge la plus proche, là où elle m'avait fourni l'occasion de ma plus saisissante observation. Pas davantage à l'autre bord, où, sauf sur un espace d'une vingtaine de mètres, d'épaisses broussailles descendaient jusque dans l'eau. Cette extrémité du lac, de forme oblongue, était si étroite par rapport à sa longueur que, les deux bouts hors de vue, on aurait pu croire qu'il y avait là une petite rivière. Nous regardâmes cet espace vide, et je sentis qu'une suggestion me venait des yeux de mon ami. Je compris, mais je secouai la tête. « Non, non, attendez, elle a pris le bateau. » Ma compagne jeta un regard stupéfait à la place vide, en effet, où d'habitude la vieille barque était attachée. Puis elle le reporta sur le lac. Où serait-il donc ? La preuve la plus manifeste qu'elle l'a pris est que nous ne le voyons pas. Elle l'a pris pour traverser, et puis a réussi à le cacher. Cet enfant, à elle seule ? Elle n'est pas seule, et à de tels instants, elle n'est pas une enfant. Elle est une vieille, très vieille femme. J'inspectai toute la berge alors visible, tandis que Mrs. Grove faisait de nouveau un de ses habituels plongeons obéissants dans l'élément bizarre que je lui présentais. Je suggérai que le bateau avait pu trouver refuge dans un coin caché de l'étang, une dentelure masquée du côté où nous étions par la projection de la berge et un bouquet d'arbres qui s'élevait tout près de l'eau. « Mais si le bateau est là, où peut-elle être, pour l'amour du ciel ?» me demanda anxieusement ma collègue. « C'est justement ce que nous avons à découvrir. et je me remis en marche. « Vous allez faire tout le tour du lac ?»« Certainement, quelque long que ce puisse être. D'ailleurs, cela ne nous prendra que 10 minutes. Cependant, cela a pu paraître assez loin à la petite pour qu'elle ait préféré ne pas marcher. Elle a traversé tout droit. « Oh là là là là !» s'écria de nouveau mon ami. L'impitoyable chaîne de ma logique lui était trop dure. Cependant, je continuais à la tirer derrière moi, prisonnière docile, et lorsque nous fûmes à mi-chemin du but, l'entreprise était fatigante. Nous ne pouvions marcher droit sur ce terrain inégal, dans un sentier encombré de broussailles. Je m'arrêtai pour lui laisser reprendre haleine. Je lui prêtai le support d'un bras reconnaissant, lui répétant qu'elle me serait d'un grand secours, et ceci nous fit bien repartir de nouveau, qu'au bout de quelques minutes, nous atteignîmes un point d'où nous découvrîmes le bateau, là même où j'avais supposé qu'il pouvait être. Il avait été mis avec intention, aussi hors de vue que possible, et était attaché à l'un des pieux d'une palissade qui touchait juste le bord de l'eau, ce qui avait facilité le débarquement. J'appréciais l'effort prodigieux fait par la petite fille en observant la paire de rames, épaisse et courte, qu'elle avait soigneusement relevée. Mais à cette heure, j'avais depuis trop longtemps déjà vécu parmi les prodiges et mon cœur avait battu à de trop chaudes alertes. La palissade avait une porte par laquelle nous passâmes et sitôt après, nous nous trouvâmes en plein champ. Alors, la voilà, laissâmes-nous échapper en même temps. Flora, à peu de distance de nous, se tenait debout sur l'herbe et souriait comme si son entreprise était maintenant achevée. La première chose qu'elle fit, cependant, fut de se baisser et de cueillir, tout à fait comme si elle n'était venue que pour cela, une grande vilaine tige de fougère fanée. Je compris immédiatement qu'elle sortait du taillis. Elle m'attendit, sans faire elle-même un pas, et je me rendais compte de l'étrange solennité avec laquelle nous approchions d'elle. Elle souriait toujours. Nous la rejoignîmes, mais tout ceci se passa dans un silence devenu franchement tragique. Mrs. Groves, la première, rompit l'enchantement. Elle se jeta à genoux et, attirant l'enfant, enlaça une longue étreinte le tendre petit corps obéissant. Pendant que dura cette convulsion muette, je ne pouvais que l'observer, ce que je fis d'autant plus intensément que je vis le visage de Flora tourné vers moi par-dessus l'épaule de notre compagne. Il était devenu sérieux, son sourire l'avait quitté, et cela rendit plus amère l'angoisse avec laquelle, à ce moment, j'enviais la simplicité d'âme que Mrs. Groves apportait à leur rapport. Et il ne se passa rien de plus, sinon que Flora laissa tomber sa sotte tige de fougère. Ce qui s'était virtuellement dit entre elle et moi était que toute dissimulation, maintenant, était inutile. Quand Mrs. Groves se releva, à la longue, elle garda la main de l'enfant dans la sienne. Je les avais toutes deux devant moi, et la réticence singulière de notre réunion était d'autant plus marquée par le franc regard qu'elle m'adressa. « Je veux être pendue, disait-il, si je parle la première. » Ce fut Flora qui, me considérant de la tête aux pieds avec un étonnement candide, ouvrit le feu. « Où donc sont vos affaires ?»« Là où sont les vôtres, ma chère, répartis-je promptement. » Sa gaieté lui était déjà revenue, et cela lui parut une réponse suffisante. « Et où est Miles ? » continua-t-elle. Il y avait dans cette énergie enfantine quelque chose qui m'acheva. Ces mots sortis de sa bouche furent l'espace d'un éclair, comme l'éclat d'une lame sortie du fourreau, l'ébranlement de cette coupe que, depuis des semaines, ma main maintenant élevée, pleine jusqu'au bord, et que maintenant, avant même que j'eusse parlé, je sentais déborder comme un déluge. « Je vous le dirai si vous me le dites. » Je m'entends prononcer ces paroles et ensuite le chevrotement où elles se brisèrent. « Quoi donc ?» L'angoisse de Mrs. Groves eut beau me lancer un fulgurant éclair, c'était trop tard, et j'amenais la chose à une belle allure. « Où, mon amour, est Miss Jessel ?